Le 89.1, la radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles pour la prochaine heure. Ben, je vous ai encore trouvé une belle sélection de musique cette semaine, de la musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vais vous diriger vers le blog pour télécharger ces pièces-là. C'est au www.webmusique.org. Donc, toutes les pièces que vous entendez, ben, c'est possible de les télécharger. Puis, si vous aimez les pièces, ben, pourquoi pas les partager avec vos amis parce que c'est entièrement légal. C'est de la musique publiée en Creative Commons. Donc, la copie est encouragée. Puis, si vous aimez les albums, ben pourquoi pas les acheter parce que c'est possible aussi d'acheter ces albums-là. Donc, ben c'est ça. On va débuter avec un artiste qui est sur l'étiquette française Sem Label. Il s'agit de Morico Montero. C'est un Mexicain. Il fait sa pièce avec Alexandre Navarro, qui est un Français. Donc, la pièce s'appelle Montero et Navarro Bootleg Remix. C'est une pièce quand même assez planante. Ensuite de ça, on va entendre une pièce toujours planante de Fabienne Bohème, remixée par Mathias Freeman. Fabienne Bohème qui vient de l'Allemagne et Mathias Freeman également. Donc, je vous fais entendre leur pièce Blue Summer Eye. Si vous voulez me rejoindre pendant les pièces, vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Donc, on entend tout de suite Morico Montero et Alexandre Navarro. Thank you. Thank you. C'était la pièce Blue Summer High par Fabian Boehm et Matthias Freeman, donc deux Allemands. Avant ça, on avait débuté l'émission Web Music avec Mauricio Montero et Alexandre Navarro. C'était un remix par Fax. Donc, Fax, un Mexicain qui fait de l'excellente musique électronique. La pièce s'appelait Montero et Navarro Bootleg. Pour poursuivre Web Music, je vous propose un artiste allemand qui est sur l'étiquette russe Deep X Recordings. Une excellente étiquette. Je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Ils ont toujours des albums vraiment intéressants. Donc, je vais vous faire passer l'artiste qui s'appelle MFS. Je vous fais passer la pièce TSCM ou, si vous préférez, Texas Side Chain Massacre. Ensuite de ça, sur l'étiquette MIGA, je vous fais passer un artiste vraiment intéressant. J'adore cette pièce, c'est vraiment complexe. Vous allez voir, l'artiste vient de Barcelone en Espagne. Il s'appelle Rominger. Je vous fais passer sa pièce Music for Camping. Donc pour tout de suite, on entend MFS. What? Thank you.

Pour poursuivre l'émission, je vous propose un artiste français du nom de Mox. C'est sur l'étiquette Al Dente Records, une étiquette française. Je vous fais entendre sa pièce Cold Breathe. Ensuite de ça, sur l'étiquette Weird and Wired, je vous fais entendre un artiste islandais qui s'appelle Bleary-Eyed Globe. Je vous fais entendre sa pièce Coup d'État. Donc, pour tout de suite, on entend Mox. Thank you. C'était l'Islandais Bleary Eyed Globe, sa pièce Coup d'État. Avant ça, on entendait le Français Mox avec sa pièce Cool Breathe. Mox qui est sur l'étiquette française Al Dente Records. Comme je vous rappelle toujours que vous pouvez télécharger les pièces, vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez les liens pour télécharger les pièces entendues à l'émission. Également, ben, l'émission est disponible en balado-diffusion, donc si vous manquez des petits bouts, ben, c'est possible de réécouter l'émission dans votre baladeur MP3 ou sur votre ordinateur. Donc, j'ai tout ça de disponible sur le blog de l'émission. On va poursuivre avec un artiste allemand au nom vraiment long qui s'appelle Das Kraftfutter Mischwerk. Je vous fais entendre sa pièce « Down Under the Moon ». Ensuite de ça, je vous fais entendre une pièce de PNFE. C'est un Allemand. Sa pièce s'appelle Polybean. Donc, pour tout de suite, à Webmusic, on entend Das Kraftfutter Mischwerk. Thank you. Thank you.

c'était PNFE, la pièce Polybean, PNFE qui vient de l'Allemagne. Avant ça, un autre Allemand du nom de Das Kraftfutter Mischwerk, sa pièce Down Under the Moon. C'était sur l'étiquette Kunabu. Ben, c'est déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces au www.webmusic.org. Donc, c'est ça, vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Puis, j'ai aussi plein de ressources dans le monde du libre, du Creative Commons, Copyleft. Donc, c'est une bonne ressource pour ce qui a trait à la musique gratuite. Ben moi, je vais vous quitter. C'est déjà tout. Je vais vous laisser entre les bonnes mains du Père François avec l'émission Le Jour du Seigneur, excusez-moi, le blanc de mémoire. Donc, c'est ça. Je vous invite à rester sur les ondes de CKRL et de revenir la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission de Web Music. Vous écoutez CKRL 89, la radio culturelle à Québec. Time to caroling, dance to escape now.